quand les portes furent refermées, le plus morne et le plus pesant des silences régna dans cette salle à manger, que le clair soleil d'hiver inondait d'une lumière et d'une tiédeur délicieuse. La table était toujours servie, avec son couvert abandonné, la nappe salie de miettes, une tasse de café à demi pleine encore. Et au milieu se trouvait le panier de figues dont on avait écarté les feuilles, mais où ne manquaient que deux ou trois fruits. Devant la fenêtre, Tata, la perruche, sortie de sa cage, était sur son bâton, ravie, éblouie, dans un grand rayon jaune où dansaient des poussières. Pourtant, elle avait cessé de crier et de se lisser les plumes du bec, étonnée de voir entrer tout ce monde, très sage, tournant la tête à demi pour mieux étudier ses gens, de son œil rond et scrutateur. Des minutes interminables s'écoulèrent, dans l'attente fébrile de ce qui se passait au fond de la chambre voisine. Don Vigilio s'était silencieusement assis à l'écart, tandis que Benedetta et Pierre, restés debout, se taisaient eux aussi, immobiles. Et le cardinal avait repris sa marche sans fin, ce piétinement instinctif et berceur par lequel il semblait vouloir tromper son impatience, arriver plus vite à l'explication qu'il cherchait obscurément au milieu d'une effroyable tempête d'idées. Pendant que son pas rythmé sonnait avec une régularité machinale, c'était en lui une fureur sombre, une recherche exaspérée du pourquoi et du comment, une extraordinaire confusion des mouvements les plus extrêmes et les plus contraires. Mais déjà, à deux reprises, en passant, il avait promené son regard sur la débandade de la table, comme s'il y avait quêté quelque chose. Était-ce peut-être ce café inachevé? Ce pain dont les miettes traînaient encore? Ces côtelettes d'agneau dont il restait un os? Puis, au moment où, pour la troisième fois, il passait en regardant, ses yeux rencontrèrent le panier de figues, et il s'arrêta net, sous le coup d'une révélation soudaine. L'idée l'avait saisi, l'envahissait, sans qu'il sût quelle expérience faire pour que le brusque soupçon se changeât en certitude. Un instant, il resta ainsi combattu, ne trouvant pas les yeux fixés sur ce panier. Enfin, il prit une figue, l'approcha, comme pour l'examiner de plus près. Mais elle n'offrait rien de particulier. Il allait la remettre parmi les autres, lorsque Tata, la perruche qui adorait les figues, poussa un cri strident. Et ce fut une illumination, l'expérience cherchée qui s'offrait. Lentement, de son air sérieux, le visage noyé d'ombre, le cardinal porta la figue à la perruche, la lui donna sans une hésitation ni un regret. C'était une très jolie bête, la seule qu'il eût ainsi aimée passionnément. Allongeant son fin corps souple, dont la soie de cendre verte se moirait de rose au soleil, elle avait pris gentiment la figue dans sa patte, puis l'avait fendue d'un coup de bec. Mais, quand elle l'eut fouillée, elle n'en mangea que très peu. Elle laissa tomber la peau, pleine encore. Lui, toujours grave, impassible, regardait, attendait. L'attente fut de trois grandes minutes. Un moment, il se rassura. Il gratta la tête de la perruche qui, pleine d'aise, se faisait caresser, tournait le cou, levait sur son maître son petit œil rouge d'un vif éclat de rubis. Et tout d'un coup, elle se renversa, sans même un battement d'aile, elle tomba comme un plomb. Tata était morte, foudroyée. Boccanera n'eut qu'un geste, les deux mains levées, jetées au ciel, dans l'épouvante de ce qu'il savait enfin. Grand Dieu! Un tel crime, une si affreuse méprise, un jeu si abominable du destin! Aucun cri de douleur ne lui échappa. L'ombre de son visage était devenue farouche et noire. Pourtant, il y eut un cri éclatant de Benedetta, qui, ainsi que Pierre et Don Vigilio, avait d'abord suivi l'acte du cardinal, avec un étonnement qui s'était ensuite changé en terreur. « Du poison ! Du poison ! Ah, Dario, mon cœur, mon âme !» Mais le cardinal avait violemment saisi le poignet de sa nièce en lançant un coup d'œil oblique sur les deux petits prêtres, ce secrétaire et cet étranger, présents à la scène. « Tais-toi ! Tais-toi ! » Elle se dégagea d'une secousse, révoltée, soulevée par une rage de colère et de haine. « Pourquoi donc me taire ? C'est Prada qui a fait le coup. Je le dénoncerai. Je veux qu'il meure lui aussi. Je vous dis que c'est Prada. Je le sais bien, puisque M. Froment est revenu hier de Frascati, dans sa voiture avec ce curé Santobono et ce panier de figues. Oui, oui, j'ai des témoins. C'est Prada. C'est Prada. » « Non, non, tu es folle. Tais-toi. » Et il avait repris les mains de la jeune femme. Il tâchait de la maîtriser et de toute son autorité souveraine. Lui, qui savait l'influence que le cardinal Sanguinetti exerçait sur la tête exaltée de Santobono, venait de s'expliquer l'aventure. Non pas une complicité directe, mais une poussée sourde. L'animal excité, puis lâché sur le rival gênant, à l'heure où le trône pontifical allait sans doute être libre. La probabilité, la certitude de cela avait brusquement éclaté à ses yeux, sans qu'il eût besoin de tout comprendre, malgré les lacunes et les obscurités. Cela était, parce qu'il sentait que cela devait être. « Non, entends-tu, ce n'est pas Prada. Cet homme n'a aucune raison de m'en vouloir, et moi seul étais visé. C'est à moi qu'on a donné ses fruits. Voyons, réfléchis. Il a fallu une indisposition imprévue pour m'empêcher d'en manger ma grosse part, car on sait que je les adore. Et pendant que mon pauvre Dario les goûtait seul, je plaisantais, je lui disais de me garder les plus belles pour demain. L'abominable chose était pour moi, et c'est lui qui est frappé. Ah, Seigneur, par le hasard le plus féroce, la plus monstrueuse des sottises du sort. « Seigneur, Seigneur, vous nous avez donc abandonnés !» Des larmes étaient montées à ses yeux, tandis qu'elle, frémissante, ne semblait pas convaincue encore. « Mais mon oncle, vous n'avez aucun ennemi. Pourquoi voulez-vous que ce Santobono attende ainsi à vos jours ?» Un instant, il resta muet, sans pouvoir trouver une réponse suffisante. Déjà, la volonté du silence se faisait en lui, dans une grandeur suprême. Puis un souvenir lui revint, et il se résigna au mensonge. Santobono a toujours eu la cervelle un peu dérangée, et je sais qu'il m'exècre, depuis que j'ai refusé de tirer de prison son frère, un de nos anciens jardiniers, en lui donnant le bon certificat qu'il ne méritait certes pas. Des rancunes mortelles n'ont souvent pas des causes plus graves. Il aura cru qu'il avait une vengeance à tirer de moi. » Alors Benedetta, brisée, incapable de discuter davantage, se laissa tomber sur une chaise avec un geste d'abandon désespéré. « Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu ! Je ne sais plus. Et puis qu'est-ce que ça fait maintenant que mon Dario en est là ? Il n'y a qu'une chose, il faut le sauver. Je veux qu'on le sauve. Comme c'est long, ce qu'ils font dans cette chambre. Pourquoi Victorine ne vient-elle pas nous chercher ? » Le silence recommença, éperdu. Le cardinal, sans parler, prit sur la table le panier de figues, le porta dans une armoire qu'il ferma à double tour. Puis, il mit la clé dans sa poche. Sans doute, dès que la nuit serait tombée, il se proposait de le faire disparaître lui-même en descendant le jeter au Tibre. Mais comme il revenait de l'armoire, il aperçut ces deux petits prêtres dont les yeux l'avaient forcément suivi. Et il leur dit simplement, grandement, « Messieurs, je n'ai pas besoin de vous demander d'être discrets. Il est des scandales qu'il faut épargner à l'Église, laquelle n'est pas, ne peut pas être coupable. Livrer un des nôtres aux tribunaux civils, s'il est criminel, c'est frapper l'Église entière, car les passions mauvaises s'emparent dès lors du procès pour faire remonter jusqu'à elle la responsabilité du crime. Et notre seul devoir est de remettre le meurtrier aux mains de Dieu, qui saura le punir plus sûrement. Ah ! Pour ma part, que je sois atteint dans ma personne ou dans ma famille, dans mes plus tendres affections, je déclare, au nom du Christ mort sur la croix, que je n'ai ni colère, ni besoin de vengeance, et que j'efface le nom du meurtrier de ma mémoire, et que j'ensevelis son action abominable dans l'éternel silence de la tombe. » Et sa haute taille semblait avoir grandi encore, pendant que, la main levée dans un geste large, il prononçait ce serment, cet abandon de ses ennemis à l'unique justice de Dieu. Car ce n'était pas de Santo Bono qu'il entendait parler seulement, mais aussi du cardinal Sanguinetti, dont il avait deviné l'influence néfaste. Et une infinie détresse, une souffrance tragique le bouleversait dans l'héroïsme de son orgueil, à la pensée de la lutte sombre autour de la tiare, de tout ce qui s'agitait de mauvais et de vorace au fond des ténèbres. Puis, comme Pierre et Don Vigilio s'inclinaient pour lui promettre de se taire, une émotion invincible l'étrangla. Le sanglot qu'il refoulait monta brusquement à sa gorge pendant qu'il bégayait. « Ah, mon pauvre enfant, mon pauvre enfant, ah, l'unique fils de notre race, le seul amour et le seul espoir de mon cœur. Ah, mourir, mourir ainsi !» Mais, violente de nouveau, Benedetta s'était relevée. « Mourir ? Qui donc ? Dario ? Je ne veux pas ! Nous allons le soigner, nous allons retourner près de lui, et nous le prendrons dans nos bras, et nous le sauverons. Venez, mon oncle, venez vite ! Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas qu'il meure !» Elle marchait vers la porte. Rien ne l'aurait empêchée de rentrer dans la chambre lorsque, justement, Victorine parut, l'air égaré, ayant perdu tout courage, malgré sa belle sérénité habituelle. Le docteur prie madame et son éminence de venir tout de suite, tout de suite. Pierre, frappé de stupeur par ces choses, ne les suivit pas. Resta un instant en arrière avec Don Vigilio, dans la salle à manger ensoleillée. Mais quoi ? Le poison ! Le poison, comme au temps des Borgia, dissimulé élégamment, servi avec ses fruits par un traître ténébreux qu'on n'osait même pas dénoncer. Et il se rappelait sa conversation au retour de Frascati, son scepticisme de Parisien à propos de ces drogues légendaires, qu'il n'admettait qu'au cinquième acte d'un drame romantique. Et elles étaient vraies, les abominables histoires, les bouquets et les couteaux empoisonnés, les prélats et jusqu'aux papes gênants qu'on supprimait en leur apportant leur chocolat du matin. Car ce Santo Bono, passionné et tragique, était bien un empoisonneur, il n'en pouvait plus douter. Il revoyait toute sa journée de la veille sous cet effrayant éclairage. Les paroles d'ambition et de menace qu'il avait surprises chez le cardinal Sanguinetti, la hâte d'agir devant la mort probable du pape régnant, la suggestion du crime au nom du salut de l'Église, puis ce curé rencontré sur la route avec son petit panier de figues, puis ce panier promené par le crépuscule de la mélancolique campagne, longuement, dévotement, sur les genoux du prêtre. Ce panier, dont le souvenir le hantait maintenant d'un cauchemar, dont il reverrait toujours avec un frisson, et la forme, et la couleur, et l'odeur. Le poison, c'était vrai pourtant, ça existait. Ça circulait encore dans l'ombre du monde noir, au milieu des âpres appétits de conquête et de domination. Et soudainement, dans la mémoire de Pierre, la figure de Prada se dressa, elle aussi. Tout à l'heure, lorsque Benedetta l'avait accusé si violemment. Il s'était un moment avancé pour le défendre, pour crier cette histoire du poison qu'il savait, et le point d'où le panier était parti, et la main qu'il avait offert. Mais aussitôt, une réflexion venait de le glacer. Si Prada n'avait pas fait le crime, Prada l'avait laissé faire. Un souvenir encore, aigu comme une lame, le traversait, celui de la petite poule noire dans le morne décor de l'Osteria, morte sous le hangar, foudroyée avec le mince flot de sang violâtre qui lui coulait du bec. Et ici, en bas de son perchoir, Tata, la perruche, gisait de même, molle et tiède, le bec taché d'une goutte de sang. Pourquoi donc Prada avait-il menti en racontant une bataille? C'était toute une complication de passions et de luttes obscures, dans les ténèbres desquelles Pierre sentait qu'il perdait pied, de même qu'il ne savait comment reconstituer l'effroyable combat qui avait dû se produire dans le cerveau de cet homme pendant la nuit du bal. Il ne pouvait le revoir à son côté, l'évoquer pendant son retour matinal au palais Boccanera, sans frémir, en devinant sourdement tout ce qui s'était décidé d'épouvantable à cette porte. D'ailleurs, malgré les obscurités et les impossibilités, que ce fût contre le cardinal, ou plutôt dans l'espoir d'une flèche égarée qui le vengerait au petit bonheur du hasard farouche, le fait terrible était là. Prada savait. Prada aurait pu arrêter le destin en marche, et il avait laissé le destin accomplir son aveugle besogne de mort. Mais Pierre, en tournant la tête, aperçut Don Vigilio à l'écart sur la chaise d'où il n'avait pas bougé, si défait et si pâle qu'il le crut frappé lui aussi. « Est-ce que vous êtes souffrant ?» D'abord, le secrétaire sembla ne pouvoir répondre, tellement la terreur le serrait à la gorge. Puis, d'une voix basse, « Non, non, je n'en ai pas mangé. Ah, grand Dieu ! Quand je songe que j'en avais grande envie et que la déférence seule m'a retenu en voyant que son éminence n'en mangeait pas. » Et il eut un petit grelottement de tout son corps à cette pensée que son humilité seule venait de le sauver. Et il gardait sur ses mains, sur son visage, le froid de la mort voisine dont il avait senti le frôlement. À deux reprises, il finit par soupirer, tandis que dans son effroi, il écartait d'un geste l'affreuse chose en murmurant « Ah, Paparelli, Paparelli !» Pierre, très ému, n'ignorant pas ce qu'il pensait du coup d'atterre, tâcha de savoir. « Quoi ? Que voulez-vous dire ? Est-ce que vous l'accusez ? Croyez-vous donc qu'ils l'ont poussé et que ce sont eux, en somme ?» Le mot de jésuite ne fut pas même dit, mais la grande ombre noire passa dans le gai soleil de la salle à manger, qu'elle parut un moment emplir de ténèbres. « Ah oui !» cria Don Vigilio. « Eux partout, eux toujours. Dès qu'on pleure, dès qu'on meurt, ils en sont, ce sont eux quand même. » Et c'était fait pour moi, je m'étonne de n'y être pas resté. » Puis de nouveau, il jeta sa plainte sourde de crainte, d'exécration et de colère. « Ah, Paparelli, Paparelli !» Et il se tut, refusant de répondre, regardant de ses yeux effarés les murs de la salle, comme s'il allait en voir sortir le caudataire avec sa face molle de vieille fille, son tronc roulant de souris rongeuses, ses mains de mystère et d'envahissement, qui étaient allées prendre à l'office le panier de figues oublié pour l'apporter sur la table. Alors, tous deux se décidèrent à retourner dans la chambre où peut-être avait-on besoin d'eux. Et Pierre, en entrant, fut saisie du déchirant spectacle qu'elle offrait. Depuis une demi-heure, vainement, le docteur Giordano soupçonnant le poison, avait employé les remèdes d'usage, un vomitif, puis la magnésie. Il venait même de faire battre, pas Victorine, des blancs d'œufs dans de l'eau. Mais le mal empirait avec une si foudroyante rapidité que maintenant tout secours devenait inutile. Déshabillé, couché sur le dos, le buste soutenu par des oreillers et les bras allongés hors des draps, Dario était effrayant, dans cette sorte d'ivresse anxieuse qui caractérisait ce mal mystérieux et redoutable auquel Monsignor et Gallo, déjà, et d'autres, avaient succombé. Il semblait frappé d'une stupeur de vertige. Ses yeux s'enfonçaient de plus en plus au fond des orbites noires, tandis que la face entière se desséchait, vieillissait à vue d'œil, envahie d'une ombre grise, couleur de la terre. Depuis un instant, accablé, il avait fermé les yeux. Il n'avait de vivant que les souffles oppressés, pénibles et longs, qui soulevaient sa poitrine. Et debout, penché sur ce pauvre visage d'agonisant, Benedetta se tenait là, souffrant sa souffrance, envahie par une telle douleur impuissante qu'elle-même était méconnaissable, si éperdue, si blanche d'angoisse, comme prise elle aussi par la mort, peu à peu, en même temps que lui. Dans l'embrasure de fenêtre où le cardinal Boccanera avait emmené le docteur Giordano, il y eut quelques mots échangés à voix basse. « Il est perdu, n'est-ce pas ?» Le docteur, bouleversé également, eut un geste désolé de vaincu. « Hélas, oui. Je dois prévenir votre éminence que dans une heure tout sera fini. » Un court silence régna. Et n'est-ce pas de la même maladie que Gallo ? Puis, comme le docteur ne répondait pas, tremblant, détournant les yeux, enfin, d'une fièvre infectieuse. Giordano entendait bien ce que le cardinal lui demandait ainsi. C'était le silence, le crime enfoui, à jamais, pour le bon renom de sa mère l'Église. Et rien n'était plus grand, d'une grandeur tragique plus haute, que ce vieillard de 70 ans, si droit encore et souverain, ne voulant pas que sa famille spirituelle pût déchoir, pas plus qu'il ne consentait à ce qu'on traînât sa famille humaine dans les inévitables salissures d'un procès retentissant. Non, non. Le silence, l'éternel silence où tout repose et s'oublie. De son air doux de discrétion cléricale, le docteur finit par s'incliner. Évidemment, d'une fièvre infectieuse, comme le dit si bien votre éminence. Deux grosses larmes, aussitôt, reparurent dans les yeux de Boccanera. Maintenant qu'il avait mis Dieu à l'abri, son humanité saignait de nouveau. Il supplia le médecin de tenter un effort suprême, d'essayer l'impossible. Mais celui-ci secouait la tête, montrait le malade de ses pauvres mains tremblantes. Pour son père, pour sa mère, il n'aurait rien pu. La mort était là. À quoi bon fatiguer, torturer un mourant, dont il n'aurait fait qu'aggraver les souffrances? Et comme le cardinal, devant la catastrophe prochaine, songeait à sa sœur, Séraphina, se désespérait en disant qu'elle ne pourrait embrasser son neveu une dernière fois si elle s'attardait au Vatican, où elle devait être, le médecin offrit d'aller la chercher avec sa voiture, qu'il avait gardée en bas. C'était une affaire de 20 minutes. Il serait de retour si, dans les derniers moments, on avait besoin de lui. Resté dans l'embrasure, le cardinal s'y tint immobile un instant encore. Par la fenêtre, les yeux obscurcis de ses larmes, il regardait le ciel. Et ses bras frémissants se tendirent en un geste d'imploration ardente. « Oh Dieu ! Puisque la science des hommes était si courte et si vaine, puisque ce médecin s'en allait ainsi, heureux de sauver l'embarras de son impuissance. Oh Dieu, que ne faisiez-vous un miracle pour montrer l'éclat de votre pouvoir sans borne? Un miracle, un miracle! Il le demandait du fond de son âme de croyant, avec l'insistance, la prière impérative d'un prince de la terre, qui croyait avoir rendu au ciel un service considérable par sa vie entière donnée à l'Église. Il le demandait pour la continuation de sa race, pour que le dernier mâle ne disparût pas si misérablement, pour qu'il pût épouser cette cousine tant aimée, là, pleurante et si malheureuse à cette heure. Un miracle, un miracle, au profit de ces deux chers enfants. Un miracle qui fit renaître la famille. Un miracle qui éternisa le glorieux nom des Boccanera, en permettant qu'il sortît de ses jeunes époux toute une lignée sans nombre de vaillants et de fidèles. Lorsqu'il revint au milieu de la chambre, le cardinal apparut, transfiguré, les yeux séchés par la foi, l'âme désormais forte et soumise, exempte de toute faiblesse. Il s'était remis entre les mains de Dieu. Il avait résolu d'administrer lui-même l'extrême onction à Dario. D'un geste, il appela Don Vigilio, il l'emmena dans la petite pièce voisine qui lui servait de chapelle et dont il avait toujours la clé sur lui. Cette pièce nue, où personne n'entrait, cette pièce où se trouvait simplement un petit autel de bois peint surmonté d'un grand crucifix de cuivre, avait dans le palais un renom de lieu saint, inconnu et terrible, car son éminence, disait-on, y passait les nuits à genoux conversant avec Dieu en personne. Et pour qu'il y entrât publiquement, pour qu'il en laissât ainsi la porte large ouverte, il fallait qu'il voulût forcer Dieu à en sortir avec lui, dans son désir d'un miracle. On avait ménagé une armoire derrière l'autel, et le cardinal y passa prendre l'étole et le surplis. La boîte aux saintes huiles était également là, une très ancienne boîte d'argent, timbrée des armes des Boccanera. Puis, Don Vigilio étant rentré dans la chambre à la suite de l'officiant pour l'assister, les paroles latines tout de suite alternèrent. « Pax vix domui, et omnibus habitantibus inea. » La mort venait, si menaçante, si prochaine, que tous les préparatifs habituels se trouvaient forcément supprimés. Il n'y avait ni les deux cierges, ni la petite table recouverte d'une nappe blanche. De même, l'assistant n'ayant pas apporté le bénitier et l'aspersoir, l'officiant dut se contenter de faire le geste, bénissant la chambre et le mourant, en prononçant les paroles du rituel. « Asperges me domine, isopo et muntapor, lavabis me et super nivem deal dabor. » Dans un long frisson, en voyant paraître le cardinal avec les saintes huiles, Benedetta était tombée à genoux, au pied du lit. Tandis que Pierre et Victorine, un peu en arrière, s'agenouillaient eux aussi, bouleversés par la douloureuse grandeur du spectacle. Et de ses yeux immenses, élargis dans sa face d'une pâleur de neige, la contessina ne quittait pas du regard son Dario, qu'elle ne reconnaissait plus le visage terreux, la peau tannée et ridée, ainsi que celle d'un vieillard. Et ce n'était pas pour leur mariage accepté et désiré par lui que leur oncle, ce tout-puissant prince de l'Église, apportait le sacrement. C'était pour la rupture suprême, la fin humaine de tout orgueil, la mort qui achève et emporte les races, comme le vent balaie la poussière des routes. Il ne pouvait s'attarder. Il récita promptement le credo à demi-voix. Credo in unum Deum. Amen, répondit Don Vigilio. Après les prières du rituel, ce dernier balbutia les litanies pour que le ciel prît en pitié l'homme misérable qui allait comparaître devant Dieu, si un prodige de Dieu ne lui faisait pas grâce. Alors, sans prendre le temps de se laver les doigts, le cardinal ouvrit la boîte des saintes huiles, et se bornant à une seule onction, comme il était permis dans le cas d'urgence, il posa, du bout de l'aiguille d'argent, une seule goutte sur la bouche desséchée, déjà flétrie par la mort. Per istam sanctam unctionem, et saum piissimam misericordiam, indulgeat tibi dominus quidquid pervisum, auditum, odoratum, gustum, factum, deliquisti. Ah, de quel cœur brûlant de foi il les prononçait, ces appels au pardon, pour que la divine miséricorde effaçât les péchés commis par les cinq sens, ces saintes portes de l'éternelle tentation ouverte sur l'âme. Mais c'était encore avec l'espoir que, si Dieu avait frappé le pauvre être pour ses fautes, peut-être aurait-il l'indulgence entière de le rendre même à la vie dès qu'il les aurait pardonnés. La vie, ô Seigneur, la vie, pour que cette antique lignée des Boccanera pullule encore, continue à vous servir au travers des âges, dans les combats et devant les autels. Un instant, le cardinal resta les mains frémissantes, regardant la face muette, les yeux fermés du moribond, attendant le miracle. Rien ne se produisait. Pas une clarté n'avait lui. Don Vigilio venait d'essuyer la bouche avec un petit flocon d'ouate sans qu'un soupir de soulagement sortît des lèvres. Et l'oraison dernière fut dite. L'officiant retourna dans la chapelle, suivi de l'assistant, au milieu de l'effrayant silence qui retombait. Et là, tous deux s'agenouillèrent. Le cardinal s'abîma dans une prière brûlante sur le carreau nu. Les yeux levés vers le crucifix de cuivre, il ne vit plus rien, il n'entendit plus rien. Il se donna tout entier, suppliant Jésus de le prendre à la place de son neveu s'il fallait un holocauste, ne désespérant toujours pas de fléchir la colère céleste, tant que Dario aurait un souffle de vie et tant que lui-même serait ainsi à genoux, en conversation avec Dieu. Il était à la fois si humble et si souverain. De Dieu à un Boccanera, l'entente n'allait-elle donc pas se faire? Le vieux palais pouvait crouler, il n'aurait pas senti la chute des poutres. Dans la chambre, cependant, rien n'avait bougé encore, sous le poids de cette majesté tragique que la cérémonie semblait y avoir laissée. Et ce fut alors seulement que Dario ouvrit les paupières. Il regarda ses mains, il les vit si vieillies, si réduites, qu'un immense regret de l'existence se peignit au fond de ses yeux. Sans doute, à ce moment de lucidité, au milieu de cette sorte de griserie du poison qui l'accablait, il eut pour la première fois conscience de son état. Mourir dans une telle douleur, une telle déchéance, quelle révoltante abomination pour cet être de légèreté et d'égoïsme, pour cet amant de la beauté, de la gaieté et de la lumière, qui ne savait pas souffrir. Le destin féroce châtiait en lui avec trop de rudesse sa race finissante. Il se fit horreur à lui-même. Il fut pris d'un désespoir, d'une terreur d'enfant qui lui donnèrent la force de se soulever sur son séant et de regarder éperdument autour de la chambre pour voir si tout le monde ne l'avait pas abandonné. Et lorsque son regard rencontra Benedetta, toujours agenouillée au pied du lit, il eut un suprême élan vers elle. Il lui tendit les deux bras, brûlant du désir égoïste de l'emmener à son cou. « Oh, Benedetta, Benedetta, viens, viens, ne me laisse pas mourir seule !» Elle, dans la stupeur de son attente, immobile, ne l'avait pas quitté des yeux. Le mal horrible qui emportait son amant semblait de plus en plus la posséder et la détruire à mesure que lui s'affaiblissait. Elle devenait d'une blancheur immatérielle, et par les trous de ses prunelles si claires, on commençait à voir son âme. Mais quand elle l'aperçut, ressuscitant, les bras tendus et l'appelant, elle se leva à son tour, elle s'approcha, se tint debout près du lit. « Je viens, mon Dario, me voilà, me voilà !» Et Pierre et Victorine, alors, toujours à genoux, assistèrent à l'acte sublime. D'une si extraordinaire grandeur qu'ils en restèrent cloués au sol, comme devant un spectacle extraterrestre où les humains n'avaient plus à intervenir. Elle-même, Benedetta, parlait, agissait en créature délivrée de tous liens conventionnels et sociaux, déjà hors de la vie, ne voyant et n'interpellant plus les êtres et les choses que de très loin, du fond de l'inconnu où elle allait disparaître. Ah, mon Dario, on a voulu nous séparer. Oui, c'est pour que je ne puisse me donner à toi. C'est pour que nous ne soyons jamais heureux au bras l'un de l'autre qu'on a résolu ta mort, en sachant bien que ta vie emporterait la mienne. Et c'est cet homme qui te tue. Oui, il est ton assassin, même si un autre t'a frappé. C'est lui qui est la cause première, qui m'a volé à toi quand j'allais être tienne, qui a ravagé notre existence à tous deux, qui a soufflé autour de nous, en nous, l'exécrable poison dont nous mourons. Ah, que je le hais, que je le hais, d'une haine dont je voudrais l'écraser avant de partir à ton cou. Elle n'élevait pas la voix, elle disait ces choses affreuses dans un murmure profond, simplement, passionnément. Prada ne fut pas même nommée, et elle se tourna à peine vers Pierre, frappée d'immobilité derrière elle, pour ajouter d'un air de commandement. « Vous qui verrez son père, je vous charge de lui dire que j'ai maudit son fils. » Le héros si tendre, ma bien-aimée, je l'aime bien encore, et cette parole que vous lui porterez lui déchirera le cœur. Mais je veux qu'il sache, il doit savoir, pour la vérité et pour la justice. » Fou de peur, sanglotant, Dario tendit de nouveau les bras, en sentant qu'elle ne le regardait plus, qu'elle n'avait plus ses yeux clairs fixés sur les siens. « Benedetta, Benedetta, viens !» « Viens, oh, cette nuit toute noire, je ne veux pas y rentrer seule. Je viens, mon Dario, me voilà. » Elle s'était rapprochée encore, elle le touchait presque, debout contre le lit. Ah, ce serment que j'avais fait à la Madone, de n'être à aucun homme, pas même à toi, avant que Dieu l'eût permis, par la bénédiction d'un de ses prêtres. Je m'étais d'une noblesse supérieure, divine, à être immaculée, vierge comme la Vierge, ignorante des souillures et des bassesses de la chair. Et c'était en outre un cadeau d'amour exquis et rare, d'un prix inestimable, que je voulais faire à l'amant élu par mon cœur, pour qu'il fût à jamais le seul maître de mon âme et de mon corps. Cette virginité dont j'étais si orgueilleuse, je l'ai défendue contre l'autre, des ongles et des dents, comme on se défend contre un loup. Je l'ai défendue contre toi, avec des larmes, pour que tu n'en salisses pas le trésor, dans une fièvre sacrilège, avant l'heure sainte des délices permises. Et si tu savais, quelle terrible lutte je soutenais aussi contre moi-même, pour ne pas céder. J'avais un besoin fou de te crier, de me prendre, de me posséder, de m'emporter. Car c'était toi tout entier que je voulais, et c'était moi tout entière que je te donnerais, oui, sans réserve, en femme qui sait et qui accepte, et qui réclame tout l'amour, celui qui fait l'épouse et la mère. Ah, mon serment à la Madone, avec quelle peine je l'ai tenu, lorsque le vieux sang soufflait chez moi en tempête. Et maintenant, quel désastre !» Elle se rapprocha encore, tandis que sa voix basse se faisait plus ardente. « Tu te souviens, le soir où tu es rentré avec un coup de couteau dans l'épaule, Je t'ai cru mort, j'ai crié de rage à l'idée que tu allais partir, que j'allais te perdre sans que nous eussions connu le bonheur. J'insultais la Madone, je regrettais en ce moment-là de me n'être pas damnée avec toi, pour mourir avec toi, enlacés tous les deux dans une étreinte si rude qu'il aurait fallu nous enterrer ensemble. Et dire que ce terrible avertissement ne devait servir à rien. J'ai été assez aveugle, assez sotte pour ne pas entendre la leçon. Te voilà frappée de nouveau. On te vole à mon amour, et tu t'en vas avant que je me sois donnée, enfin, lorsqu'il en était temps encore. Ah, misérable, orgueilleuse, rêveuse, imbécile! Ce qui grondait à présent dans sa voix étouffée, c'était, contre elle-même, la colère de la femme pratique et raisonnable qu'elle avait toujours été. Est-ce que la Madone, si maternelle, voulait le malheur des amants? Quelle indignation ou quelle tristesse aurait-elle eue à les voir aux bras l'un de l'autre, si passionnés et si heureux? Non, non, les anges ne pleuraient pas, quand deux amants, même en dehors du prêtre, s'aimaient sur la terre. Au contraire, ils souriaient, ils chantaient d'allégresse. Et c'était sûrement une duperie abominable que de ne pas épuiser la joie d'aimer sous le soleil, quand le sang de la vie battait dans les veines. « Benedetta, Benedetta !» répéta le mourant, en l'épouvante d'enfant qu'il avait de s'en aller seul ainsi, au fond de l'éternelle nuit noire. « me voilà, mon Dario, je viens !» Puis, comme elle s'imagina que la servante immobile pourtant avait eu un geste pour se lever et pour l'empêcher de faire l'acte, « Laisse, laisse, Victorine, rien au monde désormais ne peut empêcher cela, parce que cela est plus fort que tout, plus fort que la mort. Quelque chose, il y a un instant, quand j'étais à genoux, m'a redressée, m'a poussée. Je sais où je vais. Et d'ailleurs, n'ai-je pas juré le soir du coup de couteau? N'ai-je pas promis d'être à lui seul, jusque dans la terre s'il le fallait? Que je le baise et qu'il m'emporte. Nous serons morts, nous serons mariés tout de même, et pour toujours. » Elle revint au moribond. Elle le touchait maintenant. « Mon Dario, me voilà, me voilà !» Et ce fut inouï. Dans une exaltation grandissante, dans une flambée d'amour qui la soulevait, elle commença sans hâte à se dévêtir. D'abord, le corsage tomba, et les bras blancs, les épaules blanches resplendirent. Puis, les jupes glissèrent, et, déchaussées, les pieds blancs, les chevilles blanches, fleurirent sur le tapis. Puis, les derniers linges, un à un, s'en allèrent, et le ventre blanc, la gorge blanche, les cuisses blanches, s'épanouirent en une haute oraison blanche. Jusqu'au dernier voile, elle avait tout retiré, avec une audace ingénue, une tranquillité souveraine, comme si elle se trouvait seule. Elle était debout, telle qu'un grand lys dans sa nudité candide, dans sa royauté dédaigneuse, ignorante des regards. Elle éclairait, elle parfumait la morne chambre de la beauté de son corps, un prodige de beauté, la perfection vivante des plus beaux marbres, le col d'une reine, la poitrine d'une déesse guerrière, la ligne fière et souple de l'épaule au talon, les rondeurs sacrées des membres et des flancs. Et elle était si blanche que ni les statues de marbre, ni les colombes, ni la neige elle-même n'étaient plus blanches. « Mon Dario, me voilà, me voilà !» Comme renversés à terre par une apparition, le glorieux flamboiement d'une vision sainte, Pierre et Victorine la regardaient, de leurs yeux aveuglés, éblouis. Celle-ci n'avait pas même fait un mouvement pour l'arrêter dans son action extraordinaire, envahie de cette sorte de respect terrifié qu'on éprouve devant les folies de la passion et de la foi. Et lui, paralysé, sentait passer quelque chose de si grand qu'il n'était plus capable que d'un frisson d'admiration éperdue. Rien d'impur ne lui venait de cette nudité de neige et de lys, de cette vierge de candeur et de noblesse, dont le corps semblait rayonner d'une lumière propre, de l'éclat même du puissant amour dont il brûlait. Elle ne le choquait pas plus qu'une œuvre de vérité transfigurée par le génie. « Mon Dario, me voilà, me voilà !» Et Benedetta s'étant couchée, prit dans ses bras Dario agonisant, dont les bras n'eurent que la force de se refermer sur elle. Enfin, elle avait voulu cela, dans sa tranquillité apparente, dans la blancheur filiale de son obstination, sous laquelle grondait une rouge fureur d'incendie. Toujours cette violence l'avait dévorée, même aux heures de calme. Maintenant que le destin abominable lui volait son amant, elle refusait de se résigner à cette duperie de le perdre sans s'être donné, puisqu'elle avait eu la sottise de ne pas se donner, lorsqu'ils étaient tous les deux souriants de tendresse, rayonnants de force. Et, dans sa folie, éclatait la révolte de la nature, le cri inconscient de la femme qui ne voulait pas mourir inféconde, inutile comme la graine emportée par un vent de désastre et dont ne germera plus aucune autre vie. « Mon Dario, me voilà, me voilà !» Elle l'étreignait de tous ses membres nus, de toute son âme nue. Et Pierre, à ce moment, aperçut contre le mur, au chevet du lit, les armes des Boccanera. Un ancien panneau de broderie d'or et de soie de couleur sur velours violet. Oui, c'était bien le dragon ailé soufflant des flammes. C'était bien la devise farouche et ardente. Boccanera, alma rosa. Bouche noire, âme rouge. La bouche enténébrée d'un rugissement, l'âme flamboyant comme un brasier de foi et d'amour. Toute cette vieille race de passion et de violence, aux légendes tragiques, venait de renaître, pour pousser cette fille dernière, si adorable, à ses effrayantes et prodigieuses fiançailles dans la mort. Et la vue des armes brodées évoqua en lui un autre souvenir, celui du portrait de Cassia Boccanera, l'amoureuse et la justicière, qui s'était jetée au Tibre avec son frère Ercole et le cadavre de son amant, Flavio Corradini. N'était-ce pas la même étreinte désespérée qui tâchait de vaincre la mort, la même sauvagerie se jetant à l'abîme avec le corps du bien-aimé, l'élu et l'unique? Toutes deux se ressemblaient, ainsi que des sœurs, celle qui revivait en haut sur l'ancienne toile, celle qui se mourait là de la mort de son amant. Comme si cette dernière n'était que la revenante de l'autre, avec leurs mêmes traits d'enfance délicate, la même bouche de désir et les mêmes grands yeux de rêve, dans la même petite face ronde, sage et têtue. « Mon Dario, me voilà, me voilà !» Pendant une éternité, une seconde peut-être, ils s'étreignirent. Elle y apportait une frénésie du don d'elle-même, une frénésie sacrée allant au-delà de la vie, jusque dans l'infini noir de l'inconnu qui commençait pour eux. Elle se mêlait à lui, entrait en lui, sans terreur ni répugnance du mal qui le rendait méconnaissable. Et lui, qui venait d'expirer sous ce grand bonheur dont la félicité lui arrivait enfin, restait les bras serrés, noués convulsivement autour d'elle, comme s'il l'emportait. Alors, fût-ce de la douleur de cette possession incomplète, en songeant à sa virginité inutile qui ne pouvait plus être fécondée, ou bien fût-ce au milieu de la joie suprême d'avoir consommé quand même le mariage de toute la volonté de son être, elle eut au cœur, dans cette étreinte de l'impuissante mort, un tel flot de sang que son cœur éclata. Elle était morte au cou de son amant mort, tous les deux étroitement serrés, à jamais, entre les bras l'un de l'autre. Il y eut un gémissement. Victorine s'était approchée, avait compris. Tandis que Pierre, debout lui aussi, restait frémissement d'admiration et de larmes, soulevé par le sublime. « Voyez, voyez !» bégaya à voix très basse la servante. « Elle ne bouge plus, elle ne souffle plus. Ma pauvre enfant, elle est morte !» Et le prêtre murmura « Mon Dieu, qu'ils sont beaux !» C'était vrai. Jamais beauté si haute, si resplendissante, n'avait éclaté sur des visages morts. La face, tout à l'heure terreuse et vieillie de Dario, venait de prendre une pâleur, une noblesse de marbre, les traits allongés, simplifiés, comme dans un élan d'ineffable allégresse. Benedetta restait très grave, avec un pli d'ardente volonté aux lèvres, tandis que la figure entière exprimait une béatitude douloureuse et infinie, dans une infinie blancheur. Ils mêlaient leurs chevelures et leurs yeux, restés grands ouverts, les uns au fond des autres, continuaient à se regarder sans fin, d'une éternelle douceur de caresse. Ils étaient le couple pour toujours enlacé, parti pour l'immortalité dans l'enchantement de leur union, et qui avait vaincu la mort, et de qui rayonnait cette beauté ravie de l'amour immortel et vainqueur. Mais les sanglots de Victorine crevaient enfin, mêlés à de telles plaintes qu'il s'ensuivit toute une confusion. Et Pierre, bouleversé à présent, ne s'expliqua pas trop comment la chambre se trouva tout d'un coup envahie par des gens, qu'une sorte de terreur désespérée agitait. Le cardinal avait dû accourir de sa chapelle avec Don Vigilio. Sans doute aussi, à cette minute, le docteur Giordano ramenait Donna Serafina, prévenue de la mort prochaine de son neveu, car elle était là maintenant, dans la stupeur de ces coups de foudre successifs qui frappaient la maison. Lui-même, le docteur, avait cet étonnement troublé des plus vieux médecins, dont l'expérience s'effare toujours devant les faits. Et il tentait une explication. Il parlait en hésitant d'un anévrisme possible, peut-être d'une embolie. Victorine, en servante que sa douleur faisait l'égal de ses maîtres, osa l'interrompre. « Ah, monsieur le docteur, ils s'aimaient trop tous les deux. Est-ce que ça ne suffit pas pour mourir ensemble ?» Donna Serafina, après avoir baisé au front les chers enfants, voulut leur fermer les yeux. Mais elle ne put y parvenir. Les paupières se rouvraient dès que le doigt les abandonnait. Les yeux recommençaient à se sourire, à échanger fixement la caresse de leur regard d'éternité. Et comme elle parlait, pour la décence de séparer les deux corps en essayant de dénouer leurs membres, « Oh, madame ! Oh, madame !» se récria de nouveau Victorine. « Vous leur casseriez plutôt les bras !» Voyez donc, on dirait que les doigts sont entrés dans les épaules. Jamais ils ne se quitteront. » Alors le cardinal intervint. Dieu n'avait pas fait le miracle. Il était livide, sans une larme, dans un désespoir glacé qui le grandissait. Il eut un geste souverain d'absolution, de sanctification, comme si, en prince de l'Église, disposant des volontés du ciel, il acceptait ainsi les deux amants embrassés devant le tribunal suprême, largement dédaigneux des convenances, en face de ce cas de superbe amour, ému jusqu'aux entrailles par les souffrances de leur vie et par la beauté de leur mort. Laissez-les, ma sœur, ne les troublez pas dans leur sommeil. Que leurs yeux restent ouverts, puisqu'ils veulent avoir jusqu'à la fin des temps pour se regarder, sans jamais en être là. Et qu'ils dorment donc au bras l'un de l'autre, puisqu'ils n'ont pas péché durant leur existence, et qu'ils ne se sont ainsi noués d'une étreinte que pour se coucher dans la terre. Il ajouta, redevenant le prince romain au sang d'orgueil, chaud encore des anciennes aventures de batailles et de passions, « Deux Boccanera peuvent dormir ainsi. Rome entière les admirera et les pleurera. Laissez-les. Laissez-les l'un à l'autre, ma sœur. Dieu les connaît et les attend. » Tous les assistants étaient agenouillés. Le cardinal récita lui-même les prières des morts. La nuit venait, une ombre croissante envahissait la chambre, où bientôt deux flammes de cierge brillèrent comme deux étoiles. Puis, sans savoir comment, Pierre se retrouva dans le petit jardin abandonné du palais, au bord du Tibre. Il devait y être descendu, étouffant de fatigue et de chagrin, ayant besoin d'air. Les ténèbres noyaient le coin charmant, l'antique sarcophage où le mince filet d'eau tombant du masque tragique chantait sa grêle chanson de flûte. Et le laurier qui l'ombrageait, les buis amers, les orangers des plates-bandes, n'étaient plus que des masses indistinctes sous le ciel d'un bleu noir. Ah, comme il était doux et gai le matin, ce délicieux jardin mélancolique! Et comme les rires de Benedetta y avaient laissé un écho désolé, toute cette belle joie sonnante du bonheur prochain qui maintenant gisait là-haut, dans le néant des choses et des êtres. Il eut le cœur serré si douloureusement qu'il éclata en gros sanglots, assis à la même place où elle s'était assise, sur le fragment de colonne renversé, dans l'air qu'elle avait respiré et qui paraissait garder son odeur pure de femme adorable. Tout d'un coup, une horloge au loin sonna 6 heures, et Pierre eut un brusque sursaut en se souvenant que c'était le soir même que le pape devait le recevoir, à 9 heures. Encore 3 heures. Il n'y avait pas songé pendant l'effrayante catastrophe. Il lui semblait que des mois et des mois s'étaient écoulés. Cela revenait en lui comme un très ancien rendez-vous, auquel, après des années d'absence, on arrive vieilli, le cœur et le cerveau chargés par des événements sans nombre. Et, péniblement, il reprenait pied. Dans 3 heures, il irait au Vatican, il verrait enfin le pape.